J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. L'Humanité, 6 avril 1931. Une exposition anti-impérialiste se prépare. On espère bien, avec l'exposition, drainer à Paris tout ce que les autres continents enverront cet été de touristes et de riches promeneurs. Exposition coloniale ? Exposition colonialiste, plutôt. Il s'agit de démontrer la générosité des grandes puissances et le résultat étonnant dû aux méthodes civilisatrices que l'on applique sur deux tiers du globe. France, Hollande, Belgique, Angleterre établiront à Vincennes le bilan de leur réalisation. Mais les palais de plâtre du bois de Vincennes, les fêtes et la musique suffiront-ils à faire oublier les massacres effroyables qui ont ensanglanté toutes les colonies au cours de ces dernières années? Comment oublier, devant les pavillons de la Hollande, la sanglante répression qui écrasa la révolte des Indes néerlandaises? Comment oublier les massacres aux Indes et la plus habile propagande autour des chefs de la civilisation française fera-t-elle oublier le dépeuplement des pays noirs, le travail forcé et la destruction de 300 villages du Nord Annam et du Tonkin par les colonnes de répression et par l'aviation? On aura beau faire beaucoup de bruit, on n'empêchera pas que se fasse entendre à Vincennes même la voix des opprimés qui n'abdiquent pas et qui veulent plus que jamais la libération et l'indépendance. Des lettres nous arrivent de tous côtés, des coloniaux, des travailleurs. Des hommes de toute race nous demandent si la parade colonialiste de Vincennes restera sans réponse. Qu'ils soient assurés que la réplique sera vigoureuse. Cette réplique, c'est le prolétariat révolutionnaire qui doit la donner. Le prolétariat français en premier lieu, puisqu'il est le plus directement touché devant l'exposition. Le prolétariat de tous les pays aussi. La publicité et la propagande colonialiste se sont largement développées à l'échelle internationale. C'est aussi sur le plan international que s'élèvera la protestation prolétarienne. Une initiative très intéressante sur ce terrain vient de se faire jour. C'est l'idée exprimée par la Ligue anti-impérialiste d'organiser à Paris, pendant l'exposition de Vincennes, une exposition anti-impérialiste. Certes, le dessin est hardi et sa réalisation peu commode, surtout en raison des moyens financiers qui sont très limités. Mais l'idée même de cette contre-exposition est d'une grande importance. Et nous ne saurions trop insister pour que toutes les femmes, que tous les hommes de bonne volonté, que toutes celles et que tous ceux qui sont résolument anti-impérialistes accordent une aide pratique et se dépensent pour la réalisation de ce projet. Ce sera une protestation vivante et démonstrative contre les mensonges colonialistes. Elle lèvera, face aux drapeaux impériaux, le drapeau de l'indépendance et de la liberté. Pour les peuples opprimés, elle signifiera que le peuple travailleur de France refuse de s'associer aux exploiteurs des colonies, qu'il rejette toute idée de solidarité avec les bourreaux des colonies, qui sont ses propres bourreaux et qu'il entend s'allier avec le prolétariat des colonies pour la libération de tous les exploités du monde. Au travail donc, pour aider à la réalisation de l'exposition anti-impérialiste, que partout les bonnes volontés et les initiatives se manifestent. Partout où cela est possible, que l'on recueille l'obol des travailleurs. Roger Gaillard.